biodiversité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 15 au 21 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est absent aujourd'hui et a une moyenne de 33% au bat à date. Salut JP. Donc aujourd'hui, émission, je serai seul avec vous pour 3 heures de la meilleure musique que c'est pour vous offrir, c'est-à-dire le top 20 francophone et le top 20 anglophone. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 franco est toujours l'épave trouée par Chose Sauvage. Du côté anglophone, on saura si c'est toujours T42 par The Harpoonist and the Axe Murderer. Ça, c'est dans 3 heures environ. Avant ça, on a plein de nouvelles entrées. On a aussi les instants classiques d'assemblage requis de la semaine passée dans un instant classique. Voilà. Ensuite, on a Pam Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. On a C'était fou dans la boîte, tout est bien prêt pour cette émission complète des Palmarès, c'est fou. Commençons avec nos nouvelles entrées, il y en a 4 en tout. Du côté anglophone, plus tard, il y aura T-Nile, Return for Refund et Death from Above 1979, de retour avec leur album The Physical World, mais débutons en francophone avec la seule et unique nouvelle entrée, c'est Danny Placard, avec Aussi. Au 89 FM, vous êtes dans les Palmarès, c'est fou. Et vous aimez ça à date? À date, ça commence pas pire, ça. Song.

numb away the pain, and turn it into fire, and burn down the walls that keep you locked inside. When the sinful hands are put down, show your friends that you know how to roll. See and change your life. Roll the fields and leave all of your feet behind. 18. Nouvelle entrée. C'était un bloc de nouvelles entrées pour cette semaine dans les palmarès. C'est fou, on vient d'entendre T-Narl avec If Only sur l'album Tingle and Spark. Notre ami donc, qui est de Vancouver, T-Narl, est une sorcière du son transforme ou fusionne le folk traditionnel et la technologie moderne de façon unique, nous dit-elle sur Bandcamp. Avant ça, position numéro 19 anglophone, c'était Return for Refund, un groupe basé à Toronto, un trio en fait, de hard rock. La pièce The Field sur l'album qui s'appelle aussi Return for Refund. Avançant en 20e place anglophone, c'était Dead from Above 1979, un duo de rock indépendant basé à Toronto, qui s'est formé en 2001. Ensuite séparé en 2006, le groupe est reformé depuis 2011. Leur plus récent album s'appelle The Physical World. Voilà, et la pièce était Government Trash. Et on a débuté ce bloc de 4 pièces avec Danny Placard en 20e place avec la chanson aussi. Danny Placard, bien sûr, artiste québécois. qui propose dans cet album, ça évoque les chemins de travers conduisant à la découverte de l'autre par la redécouverte de soi, explorant au détour des lieux familiers, ayant pourtant perdu leur repère. Voilà, l'album est Santa Maria, et la pièce était donc aussi. Voilà pour les nouvelles entrées. Tout à l'heure, on va sauter par-dessus des trucs, et on en parlera après, parce que là, vu qu'on a entendu les nouvelles entrées, ça veut dire qu'il faut dire au revoir à quatre autres pièces qui nous ont quittés sauvagement. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 8 au 14 septembre 2014. On se débarrasse un petit peu des dernières choses de l'été, là. Tu sais, celles qui ont duré quand même un bout de temps pendant le mois d'août, peut-être même jusqu'en juillet. Donc, pour commencer, Nicolet avec Centre qui a duré 7 palmarès. Ensuite, Cousins et Other Ocean qui a duré 3 semaines, genre. C'est très faible comme pièce, mettons que ça n'a pas marqué. Ensuite, Sleeper Agent, je vais m'en ennuyer, je l'adorais. Waves, 4 semaines. Et finalement, Tokyo Police Club, la géniale Hot Tonight, 5 semaines. Voilà pour 4 pièces qui malheureusement nous quitte cette semaine, mais évidemment pour faire la place à trois autres nouvelles entrées qu'on a entendues juste avant. Vous étiez, j'espère, là. Maintenant, on saute par-dessus des trucs. Du côté francophone, on saute trois pièces. Donc, les positions 18 et 19 qui ne sont pas nouvelles. Donc, en 19e, c'est Philippe Braque et T'aurais pas pu nous prendre à deux. En 18e, c'est Ma plus belle psychose par Amor Blitz. Et en 17e, c'est Mordicus avec Oh Maman. Du côté anglophone, une seule pièce pour l'instant qu'on saute, c'est celle de Pink Mountain Tops. Elle s'appelle Ambulance City. Elle est là depuis 8 palmarès, donc ça fait quand même depuis vers le 2 tiers à 3 quarts de l'été. C'est dur à compter, hein, l'été. On passe donc aux positions numéro 16. Du côté anglophone, c'est Bri Webb et AM Blues. 7 semaines de présence, ça descend de 8 positions. Mais avant ça, en francophone, voici la bronze et la jeunesse féline. Au palmarès, c'est fou. Ronron. Je suis pas capable de faire des ronrons, man. Pas capable. Tout le monde est capable, sauf moi. C'est vraiment grave de pas avoir ce talent-là. Non. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase qui nous remplisse les pores de cuisses, d'étincelles et de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le cages. Paint the walls. Don't you name some strangers? When I call. Pale blues. Pale blues. You always gotta hang up I'll always press my luck. Maybe one day, honey, you just won't hang up. Any game you choose is a game I was born to lose. Bry Webb et Ian Blues en position numéro 16 anglophone. Ça descend de la 8e place. Et en franco, la bronze avec la jeunesse Feline qui descend de 6 sur leur maxi ou leur album qui s'appelle aussi La Bronze. C'est un CD, bref, il y a un trou dans un morceau de plastique. On est rendu aux positions numéro 15 tout de suite. Un autre bloc musical de Phil comme ça. Ne vous en faites pas plus tard. Il y a d'autres contenus. Un instant classique va être là avec les meilleurs moments d'assemblage requis. C'était fou. On va faire ça. On va faire ailleurs dans les palmarès que de chroniques avec des noms que j'espère vous savez ce que ça veut dire parce que sinon, ben quand même, vous écoutez jamais l'émission. Donc, bienvenue à vous dans notre nouvelle case horaire du mercredi entre 14h et 17h. Yeah! Position numéro 15 anglophone, c'est bien sûr Language Arts et Wonderkind hein, qui demandait de plus. Ça descend de la 7e. Alors qu'en franco, c'est Radio Radio qui descend de la 4e. Voici Holiday au 89FM. C'est un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. On appelle ça les palmarès Sifu. Pour être clair. In a minute, money, more. Vacation. Hopping on my ride, hopping down mon pedalo. In a minute, money, more. Je suis sûr, in a minute, money, more. Vacation. In a minute, money, more. Il fait beau quand ça pense point trop. Je suis sur ma holiday. J'suis sur ma paid vacation, c'est confirmé. J'suis sur ma holiday. C'est bon, bon. Mon freak et Billy, bonne chanson. Chanson. J'ferme les yeux dans la vente. Vente. C'est faux, pis c'est bon pour le sang. Sang. Travaille trop fort, tu peux prendre des vacances. Mais plus qu'une semaine, ça vaut la peine. Voyage voir les baleines. Tout proche de la scène, là tu peux s'aider.

14. Dans ces Skinny Thing, position numéro 14 du côté anglophone, ça descend de la 6e place. Et en francophone, on a entendu en 16e. Évidemment, c'était la bronze, oui, Jeunesse Féline, qui descend aussi de la 6e place. Maintenant, on va sauter par-dessus le bloc des 13e places parce qu'ils sont un petit peu plus vieilles que les autres. Donc en anglo, c'est Monomyth avec Candle Holder, qui est là depuis 4 semaines, ça descend de la position 3. On saute aussi la Féline avec Adieu l'enfance. Qui descend de la 9e place, 5e semaine de présence. On essaie d'entendre les pièces les plus jeunes, hein, les plus fringantes. Donc, du côté des 12e places, allons-y tout de suite avec en anglophone The Stripes Mystery Man. Mais avant ça, Bernari et Sagar qui montent de 6 places. C'était de vous la semaine passée au palmarès. C'est fou. On se parle pas bien bien aujourd'hui. Ah, les jours de même, hein. On agit au lieu de parler. Puis moi, agir, c'est appuyer sur le bouton. crazy, so you just gotta figure me out. Drive, c'est Mystery Man. Pour le show numéro 12 de sa montre de 7, c'était une nouvelle entrée la semaine passée en anglophone et en franco. Bernard Harry, avec sa gare qui monte de 6, c'était aussi une nouvelle entrée la semaine passée. On saute par-dessus les 11e places, Eugène et le Cheval avec Invincible et Valerie Gore avec Amsterdam. Les deux étaient aussi nouvelles la semaine passée. On va y revenir d'ici la fin de l'émission, je peux pas mal vous le garantir. Mais c'est tout pour la portion New Shit. On se retrouve pour la portion Top 10 dans quelques instants, à la deuxième heure des Panorama Sifu. Restez là. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 15 au 21 septembre 2014, la portion qu'on appelle Top 10 des Palmarès C'est fou. Dans cette heure, on va avoir entre autres les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. C'est un petit bloc, un petit montage d'une dizaine de minutes environ, qui résume 8 heures de programmation de C'est fou qu'on a eu du lundi au jeudi, entre 7h30 et 9h30. C'est pas merveilleux, ça? Ça s'en vient dans deux blocs, je dirais. On verra si je fais un bloc de 4. À date, on dirait que je suis parti pour ça aujourd'hui. Commençons par les 10e places. C'est l'ordre des choses dans la portion Top 10. Donc, en anglophone, ce sera PS I Love You avec In My Mind At Least, qui monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Il y avait beaucoup de choses qui étaient nouvelles la semaine passée. Je vais le dire souvent. Okay. Position numéro 10, francophone, elle était nouvelle la semaine passée. C'est Hôtel, Hôtel Morphée, tout de suite. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. We'll be right back. Sister avec Enjoy pour son numéro 9 anglophone, précédé de Fanny Bloom et Piscine qui monte de 2. Avant ça, en 10e place, PS I Love You avec In My Mind At Least et Hôtel Morphée avec Hôtel. Voilà. On passera tantôt à Ludovic Allary et Bad Sons. Par contre, avant ça, c'est le moment qu'on attendait tous pendant la moitié de l'émission. C'est comme ça, c'est le but. La moitié franchie presque. Ce qui veut dire qu'on est rendu à un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 8 septembre 2014. Il commence à avoir des affaires pas pires. Je pense que je l'avais jamais écouté. Non! Aigu comme ça, on aurait pu croire à du Kinky Sexy Time, mais non. Ou à David Ferron. Mais non, détrompez-vous, c'est plutôt c'est un fait. Deux choses que tu sais pas! Deux choses que je sais pas! C'est un fait! C'est un fait! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. On accueille David Ferron qui est de retour après une absence, je vous dirais, assez prolongée. Oui, Mathieu, Stéphanie, Stéphanie, Mathieu, Mathieu, Stéphanie, Stéphanie, Mathieu, Stéphanie, ouais. Mathieu, okay, je suis donc, content de vous retrouver. On a une petite chanson thème. Qu'est-ce qui est salé dégueulasse? Salé et dégueulasse. Couleur. Ben, on était dans la même direction, j'allais dire ton entrejet. Ah, va donc! c'est pas tout à fait une note méchante, mais c'est un constat que j'ai fait. Bon, fait que déjà, tu déroges de la règle de ta chronique. Déjà. Ben, ça l'est. Non, mais c'est sa chronique, c'est ses règlements. T'as bien raison. Je veux pas voir votre chicane dans mes yeux. Ah, c'est comme le petit enfant, genre, il faut qu'on reste ensemble à l'animation pour notre enfant, c'est David Ferron. Oui. Ouais, regarde. On veut pas le perturber plus que ça. Et Mr. Valère sur les ondes de C'est fou qui cadre un enfant FM. Mais moi, je peux pas me permettre David Tebs, donc je vais prendre le crédit, Tebs. Ouais. Débit, Tebs, débit. C'est fou, it's crazy. C'est pour ça que je chiffre pas moi-même des impôts. Non, c'est pas terrible, hein? Ah. On dirait que j'ai des biscuits soda comme en permanence. Qu'est-ce qu'il y a, bien sûr, encore une fois? Matin, hein? Ça dépend où vous êtes. Oui. Tout est relatif. On va au bulletin météo de chacune de vos maisons et appartements. Et pièces. Et pièces. Si vous ouvrez le frigo pour prendre votre pain de lait, ça se peut qu'il fasse un peu plus froid. Attention aux antidépressions. Aux antidépressions. Non, mais je pense... C'était tout ça que je voulais dire. Pas sûr que c'était ça que tu voulais dire. Au retour, c'est un fait. À son âge, Ricky. Restez là! La la la, restez la la la la la la. La la la. Il était bon, mes bumpers, avant que je parle par-dessus, je trouve. T'as fait faire sortir un petit, on va se le dire, un petit rot. Un petit rot. Des choses qui arrivent. En fait, je pense qu'il est peut-être sorti. Moi, j'allais le dire, tu sais, comme ça, sur le vif, j'allais le dire, j'ai aucun contrôle sur mon sphincter. Mais sphincter, c'est parce que c'est en bas. C'est l'autre orifice, l'autre, tu sais. Mais moi, je t'apprends qu'un sphincter, c'est un type de muscle, en fait. Le sphincter, c'est un muscle circulaire qui va être situé autour d'un conduit naturel. Hein, autour de la bouche et des lèvres, c'est un sphincter. Hein? Je te jure. C'est pour ça que tu dis autant de mal. Mange-en. Ouais, c'est ça. Non, ça me rappelle là, dans Batman, le célèbre ouais. Vilain, là, le sphincter. Oui. Qui est en train de te demander c'est quoi l'odeur de mon pet. T'sais, mais bon, ça, t'sais, il est peu connu, je trouve. C'est juste dans les bandes dessinées qui apparaît dans les bandes. Je peux pas croire que j'ai l'air complice de tout ça. Faut comprendre qu'il y a à peu près 60 espèces de moustiques, une soixantaine au Québec. Et chaque espèce a son espèce de période d'éclosion dans l'année. Donc, ils vont pas éclore en même temps. Chacun a son air, chacun a sa moustiquaire. Tout un petit. Oh boy. Il faut juste qu'on accepte qu'il soit là. Puis lorsqu'on accepte ça, puis qu'il nous dérange plus, il y a le problème qu'il y en a parce qu'il vous dérange pas. Je sais pas si vous comprenez un peu la ouais, ouais, ouais. C'est ça le véritable chose avec les moustiques. C'est de les apprivoiser, ouais. Faire d'eux des moustiques domestiques ou de moustiques. Ouais. Ça ramasse de l'argent sur Indiegogo et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. On demande 10$ environ pour avoir un seul soda Valve. Pas Valve, Valve. Valve. La soda Valve, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je veux vraiment ça pétille en tout cas? C'est louche. Les lunettes qui bloquent la lumière bleue. Qui est émise par les écrans et qui cause la fatigue oculaire. Pour jouer à des jeux vidéo là, de geek, est-ce qu'on peut faire des lunettes qui n'ont pas l'air de lunettes de douchebag achetées genre chez Oakley à 400$, là, s'il vous plaît? Je sais que mes pipes, comme dans Regarde mes tuyaux dans Mario, sont vraiment hot, là, tu sais. Tu sais, mettons, là. Wow. C'est l'exemple qui me vient. Mais je trouve ça quand même très drôle. C'est pour les jeux First Person Shooters. Ouais. Donc, les FPS, les lunettes, ça protège. Tu sais, c'est pas pour. C'est pas comme un truc FPS. Comme les écrans solaires. Ah, oui, c'est bon ça. Ou encore, c'est pas les lunettes parfaites pour ton professeur de formation personnelle et sociale. Oh, le cours qui existe plus depuis 98, genre. Genre, mettons, c'est juste pour lui que ça existe. Avec la pièce Sagar. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, mais Sagar bien. Ça Sagar bien. Sagar bien. Sinon, attends, est-ce qu'on prend une pause? On va aller fumer un Sagar. Un Sagar. Non. Trouve ça un autre. Je te donne une autre chance. Après la tournée. Ça garde Burn Harry. Non. En tout cas, moi, ça a gardé mon attention tout le long. Ah, ça a gardé. Ouais. C'est le troisième jeu de mots que t'avais trouvé. Moi, j'en ai même pas trouvé d'autres. Ben, si j'ai vu, tu t'es pas forcé pendant tout. Tellement, j'en ai fait deux dès le départ. Là. Hey. Moi, c'est que je me brûle dès le début, après ça, j'abandonne. Au retour, Marie-Laurence Audet et ses collègues loisirs. Ça voulait rien dire, ça. En fait, c'est drôlement sexuel. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est mouillé ce matin. Oui, mais moi, pas juste les lunettes. Et en même temps, je vais passer peut-être un petit message aux automobilistes qui nous écoutent. Tu me demandais dans quel sens ça allait. Là. Je suis mouillé, mais pas des lunettes. J'étais comme, attends un peu. Attends, là, il est juste 7h30. J'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Il va falloir que j'aille au lave autour des lunettes, je pense. J'essaie de les essuyer, puis ça fait juste étendre le dégât. T'es bizarre, pas de lunettes. Je te sens de même. Je suis certaine que nos auditeurs aussi sont un peu perturbants. Ah, le son est correct maintenant que j'ai mes lunettes. Les esprits d'assemblage, notre chronique maison préférée du jeudi. Préférée du jeudi. C'est le fin. C'est le fin. C'est le fin pour les chroniqueurs. J'ai précisé chronique maison. Ah oui. Ah, oui, j'ai vraiment fait attention. J'ai vraiment, Je m'excuse. Je pense que j'ai manqué un mot. Je dois avoir cligné des yeux. C'est ça. Je devais avoir enlevé mes lunettes pour un instant de seconde. Contre-courant de Ludovic Allary. Ah, ça fait bien une petite vague de fraîcheur de même d'en face. Voilà. Au retour, Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique. J'ai rien à dire, fait que j'ai dit ça. C'est le fun de soir. C'est taché d'en face. Ouais. Pardon? Squirted, hein? Comment? Quoi? Ça fait un bout qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a l'eau à la bouche, en fait. C'est juteux. C'est, oui, c'est très juteux, c'est juicy, comme on pourrait dire, qui est aussi le surnom qu'on donne parfois à Juicy Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphanie, ça Allô? Va bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien, moi, merci, bonjour. Docteur Renaud. Ah, c'est une voix qui est tout à fait congrue avec la température. Congru, au lieu d'incongru, en fait. Ben, c'est l'inverse de l'incongru, à mon avis. L'angle congru aussi, tu sais, aigu, t'as... Obtus, exigu. Congru. J'arrive ici avec le plus gros dilemme de ma vie, c'est-à-dire la nomenclature de mon émission. Ouais. Et à chaque fois, on trouve quelque chose de génial. Cette fois-ci, on a de la pression. Vous avez de la pression parce que j'ai pas trouvé de mot qui rime avec Justine. Encore aujourd'hui. Ah, des mots. Des mots, on en a trouvé qui riment avec Justine. Ouais, ben oui, mais peut-être pénicine. Pertinent. Non, moi, c'est ça. Pertine avec Justine. Pertine. C'est comme, c'est comme le verbe. De... J'aime ça. Ouais. Excusez-moi, moi, le yoga liberté, si je pouvais avoir une commandite. Là, Libertine. Libertine. Avec juste. Hey, arrête. The Libertine avec Johnny Depp. À la fin, il meurt genre de syphilis. Spoiler! Les années 90, genre, je sais pas. Excusez-moi. Jean-Antoine Rioux. C'est la chronique du club plein air UQTR. Un des plus grands dissuasifs que les gens ont d'aller faire du plein air. Est-ce que vous avez une idée de quoi j'aimerais parler ce matin? Les bibittes? Ouais, les oui. Ouais. Exactement. Hey, c'est bon aussi. Ouais. Yay! High five à distance. Juicy Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique. Chronique sans nom. La chronique à nom indéterminée. À nom indéterminée. Mais Justine Pertine. Ouais, Justine Pertine. Ça me dit quelque chose, hein? Moi aussi. Surtout que ça existe pas. Non, ben c'est en plus. Mais ça ressemble beaucoup aux pectines. Ouais, justement. Ah, qu'on retrouve justement. Dans nos confitures. Tape là-dedans. Yay! Confiture! Oh! On l'a entendu. Ouais. Et voilà. J'ai eu droit à deux high five de chronique. Cette semaine? C'est qui là? Charles-Antoine Rioux. Eh hey, bravo, cool. Il est-tu fin? Ben oui. Ben mais hein? Bonjour Chuck Charles-Antoine. Chuck Tony, man. C'était les meilleurs moments d'assemblage de l'équipe pour la semaine du 8 septembre 2014, toujours avec une semaine de délai. Donc, on est dans la semaine du 15 septembre au Palmarès, c'est fou, mais on fait les meilleurs moments de la semaine d'avant parce qu'on est le mercredi et la semaine n'est pas finie. Bon, hein, ça va la semaine prochaine. C'est vraiment une de mes semaines que j'ai adoré cette semaine. Les 9 minutes 17 de montage, je trouvais que c'était absolument des moments, des bijoux. Je trouve radiophonique qu'on a vécu. Il y avait beaucoup de choses en même temps, plein d'affaires, ça se pitchait tout et bord, il y avait plein d'extraits, puis il y a des bips par des affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bips, c'est que c'est le même moment, mais juste que j'ai coupé les bips. Bon, donc voilà pour un instant classique. On retrouve les capsules au complet sur assemblagerequis.com. Elles sont là depuis le début. On écoute Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Parce que le reste des reprises. On aime ça, c'est le matin. Lundi au jeudi avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante et un paquet d'autres chroniqueurs. Vous les avez entendus, il y en avait beaucoup cette semaine quand même. Graduellement, on amène de plus en plus de chroniqueurs à travers nos émissions et ça va continuer comme ça tout l'automne. On aime ça. J'ai dit on aime ça comme 6 fois, je pense, si je me rappelle bien, mais on aime ça. On aime ça. Retournons à nos palmarès. On aime ça, hein? C'est les positions numéro 8 qu'on s'en va entendre. Du côté anglophone, c'est Bad Sons avec Sort. Ça monte de 6 places, mais avant ça, voici Ludovic Allary et qui monte de 2 avec Contre-courant. Splouche, splouche dans les palmarès. C'est flouche. Tombe tête première. spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. C'était Bad Sons et Salt, position numéro 8. Ça monte de 6 positions du côté anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Ludovic Allary et Contre-Courant qui monte de 2 places sur l'album Ludovic Allary. En 7e position anglophone, on trouve Jack White et Lazaretto. Ça se met dans quelques instants. On l'adore tous, cette pièce-là. Elle monte de 4 places. Mais avant ça, en francophone, c'est Alexandre Desilets et son extrait Crime Parfait qui joue là, dans vos oreilles à la radio. Imaginez, 89 FM, c'est fou. C'est ici, ça. Ouais. We'll be right back.

Jack White. La pièce s'appelle Lazaretto. Et c'est la position numéro 7 anglophone. Avant ça, on a entendu Alexandre Desilets et Crime Parfait qui est stable en 7e place, 4e semaine de présence sur son album Fancy Ghetto. Avant de continuer avec d'autres pièces, en fait probablement une autre pièce, on va retourner un petit peu en arrière. Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on retourne à la semaine du 14 septembre 2007. Potato. C'était fou pour la semaine du 14 au 20 septembre 2007. On a commencé avec Jacques Maure et Brise Glace sur l'album Jacques Maure en première position francophone. Jacques Maure qui d'ailleurs a sorti un nouvel album récemment, qui est encore sur le palmarès où il était jusqu'à il y a quelques semaines de ça. Ensuite, en première anglophone, Korpiklaani avec Let's Drink sur l'album Tervascanto. Et on a terminé avec une de mes pièces préférées de tous les temps, de l'histoire de C'est fou, de ce que je connais de C'est fou, hein, quand même. Je suis pas là depuis 1000 ans non plus, mais presque. La pièce Running Away sur l'album The Fragile Army. J'adore cette pièce-là, c'est sûr, c'est dans mon top. Je dirais top 10 qui contient au moins 100 chansons, à peu près. Donc, on retourne à nos palmarès. On est rendu au 6e place et l'heure top 10 se termine très bientôt. Je voulais rentrer les deux dernières pièces rapidement. On va peut-être dépasser de quelques secondes. En anglophone, c'est The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42 qui descend de la première place. Mais avant ça, voici Chose Sauvage et l'épave trouée au 89.1 FM. C'est fou! We'll be right back. And all that you got to lose. Harpoonist and the Axe Murderer avec la pièce T42. C'est lancé numéro 1 du côté anglophone. Et avant ça, en franco, c'était Chaud Sauvage et l'épave trouée. Voilà pour la portion top 10 des palmarès. Il faut se retrouve dans quelques instants pour la troisième heure, la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si, en fait, on sait déjà des deux côtés. Je viens de le dire dans la phrase précédente, Jean, qui est numéro 6, sont les deux, les anciens numéro 1. Donc, on va avoir deux nouveaux numéro 1 dans la troisième heure des palmarès. C'est fou. Restez avec nous. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 15 au 21 septembre 2014. C'est la portion top 5 et je m'appelle toujours Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau est toujours absent cette semaine, mais il va de retour avec nous la semaine prochaine, fort probablement peut-être. Donc, pour ce numéro 5 anglophone, c'est Orange O'Clock avec Belly Button. C'est stable, alors qu'en francophone, ça monte de la 20e place. C'était une nouvelle entrée de la semaine passée. Voici Mister Valère featuring Karim Ouellette. Et l'amour est un monstre sur le 89.1 FM. C'est fou. Se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour. Quand même, on ne tue pas quand on s'aime. Reckless, blind and joggle. she's exhausted and weak. Excellente pièce, Barry Barton de Orange O'Clock, stable en cinquième position anglophone. Et en franco, c'était Mister Valère featuring Karim Ouellet. La pièce L'amour est un monstre qui passe de la 20e à la 5e. Ça franchit trois quarts du palmarès d'un coup sec. Alors, c'est pas le fun pour Mister Valère. En même temps, on s'attend à ça. Mister Valère, c'est tellement bon. Ça grimpe au sommet, c'est dans le temps de le dire. En quatrième place anglophone, c'est de Devin Cuddy Band, des 44, qui est stable. Mais avant ça, en francophone, c'est Carl Récudon qui lui aussi monte de pas mal bas jusqu'à pas mal haut. Hein, c'est de la 19e à la 4e. C'est le même nombre de pièces vers le haut. T'sais. Donc, le 3 quarts. Voici que Dieu bénisse les marathoniennes. Sur C'est fou, 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou.

je serai jamais. Je sais pas trop qui je suis. Je peux pas toujours être qui t'as envie. J'ai le goût de sacrer mon cœur d'ici. T'es la plus belle quand tu souris. J'ai plus de ciel, j'ai plus d'océan. Ça m'enrage, je sais plus comme avant. Je pourrais être ton black dog. The Pretty Reckless, c'est Heaven Knows. Ça monte de la 20e position. Nouvelle entrée la semaine passée en 3e place anglophone. Avant ça, Caravan et Chien Noir qui montaient de 13 places. C'était aussi une nouvelle entrée la semaine passée. Ah, c'est sur l'album qui s'appelle aussi Chien Noir. commence par atteindre avec ça. Alors, passons au numéro 2, Propofol et The New Pornographers, un bloc que je vais adorer, je le sais. Ah, c'est le moment d'ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est la première fois que je la faisais seule, donc ça... Ça m'excite un peu, t'sais, de faire tout seul. C'est quelque chose. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est là qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès du fou, ben, c'est pas seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Non, non, non, non, non. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud, ainsi qu'un top 5 musique du monde. Oh, wow, en effet. Regardons un petit peu les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. Pour commencer, j'en compte 4. Oui, 4. Compte comme faux. En 20e place, c'est Teenager avec EPLP. Ensuite, Imogen Heap avec Sparks, qui est en 29e place. On monte à la 24e pour FN Stone. Retour de FN Stone avec The Three Poisons. Et finalement, en 19e place, c'est Death From Above 1979, qu'on a entendu au début de l'émission. Leur album s'appelle The Physical World. Dans le top 3, position stable. En 3e, The Devil Cody Band et Kitchen Knife. En 2e, ça monte de 17, The Pretty Reckless et l'album Going to Hell. Et finalement, en 1ère place, ça monte de 15, The New Porns avec Brill Bruisers. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, en 3e place, c'est Orange O'Clock avec Crazy Carnival. En 2e, c'est The Devin Cody Band et Catch a Knife. Et en 1ère place, c'est The New Pornos avec Brill Bruisers. Vous voyez que je leur ai donné 3 noms jusqu'à maintenant aujourd'hui. Dans le top 10 loud, une seule nouvelle entrée. En 10e place, c'est Blood for Blood, album de Hell Yeah. Ensuite, dans le top 3, en 3e, ça descend de 1, Opeth avec Pale Communion. En 2e, ça monte de 2, Blue Pills avec Blues Pills et non pas Blue Pills. Et en 1ère, ça monte de 2, Ace Frehley et Space Invader. Dans le top 5 des musiques du monde maintenant, pas de nouvelles entrées. Donc en 3e place, c'est Sania Naru avec... Je recommence, toujours bien compliqué parce qu'il est à l'envers ce maudit palmarès musique du monde-là. Donc artiste, Aurelio avec la pièce Sania Naru. En 2e, l'ancien numéro 1, Soul Clap, une pièce de Quantic. Et finalement, en 1ère place, ça monte de 2, l'artiste Simrit et Revolution. Voilà pour ce palmarès à l'envers des musiques du monde. En passant, pour ceux que ça pourrait intéresser, les fans de musique du monde, des fois on fait jouer la musique du monde dans le bloc ailleurs dans les palmarès, mais pas à chaque semaine. David Ferron voulait que je passe un message. Il va aller voir le spectacle du chanteur Salif Keita ce soir à l'Olympia. Et prochainement, il va pouvoir diffuser en exclusive les 3 premières pièces du concert, donc les 3 premières pièces en direct devant public donc de Salif Keita. Et aussi, il va y avoir une couverture en direct du spectacle sur Twitter et Facebook. Donc rejoignez les palmarès du monde sur Facebook. Vous avez qu'à taper Palmarès du Monde, c'est fou 89.fm. Ça sort, c'est le premier résultat, c'est super simple. Palmarès du Monde, c'est fou 89.fm. C'est avec David Ferron et ça se passe les lundis soirs à partir de 18h ici même à C'est fou. Donc, on n'écoutera pas de musique du monde aujourd'hui. Non, non, non. On écoute presque à chaque semaine. C'est rare que j'essaie d'aller voir ailleurs. Allons-y avec le top 10 loud cette fois-ci. J'ai choisi une pièce de l'album Blood for Blood par Hell Yeah. C'est une nouvelle entrée dans ce palmarès loud. Et leur chanson s'appelle Sangre. Pour sangre, ça veut dire blood for blood. Ailleurs, dans les palmarès. Hell yeah, avec Sangre pour Sangre. C'est Blood for Blood sur le palmarès Loud. Nouvelle entrée en position numéro 10 sur l'album... sur l'album Blood for Blood, c'est bien sûr. Oui, c'est la pièce titre de l'album. C'est simple. On rappelle que le top 10 Loud est en partie diffusé. Il y a des pièces qui sont sélectionnées par Alain Lefebvre et il joue ça à Rock Classic les vendredis entre 11h et 17h. Soyez-y. Et on rappelle aussi l'émission de David Ferron qui est palmarès du monde. Et c'est les lundis à 18h. Voilà. On retourne à notre palmarès normal, c'est-à-dire le top 20 franco et le top 20 anglo. On était rendu au position numéro 2. Du côté anglophone, on parle de The New Pornographers et Brill Bruisers qui montent de 15 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée, mais avant ça, quatrième semaine de présence pour la pièce Commando par Propofol. Au 89 FM, c'est palmarès, c'est fou. Just set it away. You left behind. Looking for the searchlights, leading the charge. The maps are. numéro 2 anglophone, c'était The New Pornographers et Brill Bruisers qui monte de 15 places en deuxième position anglophone. C'est Brill Bruisers. Difficile à dire, ça. Avant ça, du côté franco, c'était Propofol et Commando, stable en deuxième franco, sur l'album Le Banquet, qu'on vient de recevoir au complet l'album. On avait juste un simple avant ça. Et là, on a l'album au complet. On va pouvoir écouter d'autres chansons de Propofol bientôt. C'est fantastique. Ce qui nous amène à nos positions numéro 1. Et numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Ce que je dois faire, c'est dans mon contrat, apparemment. Je sais pas. C'est ce qu'on me dit. C'est comme ça. Je pourrais bien sonner l'alarme. Je pourrais mettre le feu à la place. Je pourrais être rouge de colère. Rouge pompier, on se comprend assez, ça. Je pourrais essayer de me creuser un chemin dans la terre et m'enfouir comme un être gluant sous la terre, genre un ver de terre. T'sais. Je pourrais faire ça, mais ça je pourrais pas m'en sortir. Je pourrais jamais m'en sortir. Mais mes jeux de mots, de toute façon, ça améliore avec les années, ça améliore avec le temps. Ça va de plus en plus vers le haut, je vous dirais. T'sais, mettons, t'sais, ça prend de la valeur aux enchères, t'sais, comme Mister Valère. Donc, ce côté anglophone, c'est Mister Valère. C'est Debbie Tebbs, en fait, featuring Mister Valère, mais c'est pas mal la même chose, le Debbie Tebbs, et on entend surtout la musique de Mister Valère. La pièce s'appelle Hop, hein, pardon. Du côté francophone, c'est Rouge Pompier et Vert de Terre. Voilà, pour l'explication de mes jeux de mots. C'était beau, hein? Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Position. As transaction. Génial, c'était The Beatles featuring Mr. Valère et la pièce Up qui monte d'une place en première position anglophone et avant ça, on a entendu Rouge Pompier et Vert de Terre qui monte de deux places en franco sur... c'est un simple, en fait, c'est une pièce de Rouge Pompier comme ça qui vient de sortir en vidéoclip, voilà. Ça nous amène à retourner un petit peu en arrière parce qu'on a atteint les premières positions et qu'on doit remplir les 10 dernières minutes qui nous restent. C'est vraiment pas beaucoup de temps. J'espérais pouvoir rejouer la plupart des chansons qu'on a sautées, mais non. On va devoir s'en tenir à 2-3 max. Donc tout à l'heure, je sais qu'il va y avoir au moins Valerie Gore avec Amsterdam en position numéro 11. C'était de voir la semaine passée, ça monte la 18e. Mais on va commencer avec la 11e position francophone. C'est Eugène et le cheval avec Invincible tout de suite. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. I know. C'était Valerie Gore et Amsterdam, position numéro 11 anglophone. Ça monte de 7 places à cette nouvelle entrée la semaine passée. Et avant ça, une autre pièce qu'on avait sauté plus tôt dans l'émission, c'était celle de Jeanne Lecheval qui s'appelle Invincible. Et ça monte aussi de 6 places. En fait, pas aussi. Enlevez le mot aussi. Mais ça monte de 6 places. Voilà pour les palmarès Info pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 14h et 17h. C'est notre case horaire cet automne. On passe les vendredis soirs entre 17h et 20h. Et finalement, les dimanches à midi. Restez sur nos ondes. Le jeudi, c'est 13e étage à 19h. Et pour ceux qui nous écoutent le vendredi, les bonnets rouges, c'est pas le cas. Et dimanche, mais Colin, de la musique électronique, c'est pas le fun ça. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerockey.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On se quitte sur certaines de nos stations avec une autre pièce qu'on a sauté plus tôt. C'est celle de Monomyth Candle Holder en 13e position anglophone. Sinon, mais Colin, passez une belle soirée sur nos ondes. Bye bye.